Un quiz musical. Explique-nous. Un quiz musical, mais sur que quoi? Sur Kawan. Les remix improbables. Les reprises Kawan. Improbables. Pardon. Oh mon dieu, non. Show. Excuse-moi, du coup, j'entends. Alors, le principe est simple. Le principe est simple. Je vais. Alors, vous déjà, vous allez faire deux équipes. Je tiens à le préciser, merci Kawan. Plus, en fait. Vous allez faire deux équipes différentes. Il y aura l'équipe choisissez un nom et l'équipe choisissez un nom. Est-ce qu'on peut. Non, il faut qu'on trouve. Les forestiers. Pourquoi les forestiers, Parce que j'abats le forestier. Oh oui. Est-ce que tu l'abats Non, il faut qu'on trouve. Est-ce qu'on peut s'appeler les dauphins? Les lits dauphins. Et internet, vous pouvez jouer avec nous. Les dauphins licornes. Les dauphins licornes ouais. Non, c'est trop nul. C'est trop vraiment. Les voisins du terrier. Les voisins du terrier. Est-ce qu'on peut s'appeler Gangbang à 3? Gangbang à 3 Gangbang à 3. Gangbang à 3. Gangbang à 3, bah c'est nous. Vous êtes chaud? Gangbang à 3? Yes. Ah, mais ils sont 3, attends, c'est pas du jeu là. C'est pas grave. Ouais, mais toi. On peut faire aussi des gangbang à 2, c'est pas grave. Toi, tu vaux pour 2. Merci. Yes. Non, elle est petite. Oh. Oh, qui a dit ça? Allez, tous vous. Je sais pas, je suis en train de boire. Kawan? C'est pas gentil. C'est même méchant. T'es vraiment un garçon, vraiment immonde. T'es vraiment un garçon. Pardon. Tu le combles de l'immondice à mes yeux. Pardon. Bon alors ce bon, quiz. Bon, je vais arrêter. Hein. C'est la fin de la nuit anonyme. Non, ce quiz, je l'attends alors, de pied ferme. Donc, gangbang à trois et les voisins du terrier. Alors, je vais faire. Ah, Pierre, est-ce que tu peux fermer la porte, s'il te plaît? Je vais vous passer des petites. Quoi? J'avoue, l'empereur, tu lui as manqué de respect. Merci, l'empereur. Et je vais vous passer une chanson. Et cette chanson, ça sera une reprise improbable d'un titre bien connu. Donc, que vous connaissez sûrement tous, un truc culte. Et le but, ça va être non seulement de trouver la chanson originale, mais aussi l'interprète original. Et il y a un point bonus si vous trouvez le nom de l'interprète de la reprise. Donc là aussi, c'est un jeu que la nuit originale t'a volé. Non, personne ne l'a fait, celui-là. J'ai une question. Plus ou moins. Est-ce qu'il y a des titres originaux qui étaient en anglais qui ont été traduits en français? Il y en a. Ah, ok. Parler dans le micro, ouais, par contre. Oui, mais je veux pas mettre dans ma bouche. Là, ça va. Il y aura tout. Allez voir. Ok, merci. Super. Vous êtes chaud? Plutôt des chansons françaises ou. Ah bah, Hugo oh. Bien. Bah, merci, tu m'as pas écouté, j'ai posé une question sur ça. D'accord. Bon, tout le monde est prêt? Ready, allez, go. Toi, vous trichez pas, les voisins. Jamais, ok. Attends, mais du coup, c'est chacun balance. Non, vous levez la main. Bah du coup il faut qu'on se concerte. Ok. Oui. Donc tu balances la zik, oui. Tu fais pause et on se concerte, c'est ça? T'inquiète. Je suis. Non, je fais pas pause. Chut, tu fais pas pause. L'empereur, vous êtes prêt? Ah putain, c'est chaud, ouais. En tout cas, c'est tension. Ah putain! Elle est là-bas? C'est Take On Me, c'est qui a fait ça? Vous gagnez un point si. Take on me. La musique de putain de Superstar, de la pub Superstar. C'est deux lettres. Enfin, c'est trois lettres, mais il n'y a qu'une seule syllabe. Ah oh, merde. Il n'y a qu'une seule voyelle, pardon. Hey. Il y a deux syllabes. Il y a deux syllabes avec une seule voyelle. Ouais. Mais il y a un H entre les deux. C'est très drôle. C'est très drôle. U-U. Bah non. Aha. Aha. C'était Aha. Aha, ouais. Ah putain, je connaissais pas. Mais t'as pas les musiques de base pour qu'on compare ou. Tu vas passer quoi? Toujours pas, non. Ah non. Et ça nous fait un point. Ouais, bravo. T'as dit la bonne réponse? Ouais. Oh, t'es génial. Bah, fait, merci, Dune. Ça vous fait 8 points chacun. Ouais. Okay. On est pas là pour gagner. Pierre, tu comptes les points avec tes mains? Mais non, mais on non, joue il pas compte pour les points avec ses points. On joue pas, j'entends pas la musique. Ça fait un truc de leuleu, les gens. On va juste décoller. Ok, Kawa. Qu'est-ce qu'on se bidonne ? Je vous redonne un salsifis chacun. Cool. Je prends le principe. Un jour. Ça, vous reconnaissez ? C'est le début de camping. J'ai pas vu camping. Vous avez bien fait. Ah, mais alors le titre, je l'ai pas. C'est trop beau. Ah putain. Mais non, mais c'est mais la chanson. En train de montrer la chanson que comment... C'est la chanson qu'on vient d'écouter en fait. Mais c'est pas dans un film. Oui, camping. Ouais. Non, non, non, un vieux film. Camping, c'est camping. Ça date. Non, non, mais un vieux film des années 80. Je vois pas. Bah, c'est peut-être et du camping, c'est un remake. On applaudit pour le rythme. Le rythme. Ah, c'était quoi du coup? Quoi? Ah, ça, c'était une blague. Le nom du groupe qui a refait le remix ou... Non, non, non, le nom du groupe original. L'original. Ah, okay. Le, celui qui a fait le remix, c'est Annie B. Sweet. Annie B. Sweet. Ok. Il était sympa. Ouais. Très sympa. Qu'est-ce que je peux vous passer? Mais rien à voir avec l'original. Ah, oui, c'est Brit... Non, c'est... si, c'est Britney Spears. Ah, joli. Ah, yeah, yeah. I did it again. Oups. Yeah. Ouais. Putain, j'ai tellement pas vu venir. Putain. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. C'est Britney. Mais alors, le groupe de métal qu'il reprend, je connais pas là. C'est le groupe qui joue à Love Boredom. Oh non. C'est quoi? Je connais pas. Pour toi, je ne connais pas. C'est ma faute. Et là, je remercie ma sœur d'avoir écouté Britney à son mauvais toute mon enfance. Putain, ouais. Ah, Clémentine T nous dit Britney. Et Lucie avait trouvé. Ah, Lucie, elle écoute toujours. Attention, troisième. Qu'est-ce que je peux vous mettre? Ça c'est cool, j'ai pas mon portable, ah oui. Putain. Moi j'ai pas accès au net. Ah, ma Benz de Brigitte. De Brigitte. Oh. Vous êtes à sérieux 16, beaucoup trop son groupe qui est à 18. Ouais. J'adore cette chanson. Je déteste Brigitte. Enfin, je suis celle-là, elle est pas mal. T'écoutes un peu? Mais j'aime bien les Brigitte en général. Le groupe original? J'aime bien les Brigitte. Ah ben c'est Dem. Ouais. Laisse-moi zoom zoom zen dans ta Benz Benz Benz quand tu pointes ton bain pour ça monte un. Laisse-moi zoom zoom zen dans ta Benz Benz Benz quand tu pointes ton bon passable en tang tang tang. Girl, t'es sexy, viens voir Co-City, original ragaman dans la ville de Paris. Un peu, girl, on y va. T'es jolie, ouais. Dans ton Versailles. Hi, this is Ben Howard. This is our cover for Radio 1 Live Lounge. No. I threw a wish in the well. Don't ask me, I'll never tell. I looked to you as you fell. Now you're in. Putain, c'est quel arrêt, Carrie Lee Jepsen? Oh, ah, ben c'est Call Me Maybe. Ah ouais. Call Me Maybe. Ah ouais, putain. Mais alors là, la route. Vous gagnez tous une voiture et un ticket d'euro million. Yes. Oh. Yes. À la vache. Et c'est qui? C'est. C'est. Et alors il a dit son nom au début, c'est Ben Howard. Alors je le connais. Est-ce qu'il a fait un super clip Snapchat? Non, non, c'est un clip en studio. C'est quoi déjà? Non, mais vous l'avez tous vu cette vidéo du mec qui l'a repris. Ouais, voilà, c'est ouais. Internet. Voilà. avec sa petite perruque. Me fait je la laisse un peu parce qu'elle est pas mal. Ouais, elle est cool. Elle est mieux que la version. Moi, j'aime bien aussi la première version. Non, la version. Je en fait, la différence, ce qu'il a dit, parce que j'ai écouté un peu les interviews, ce qu'il a dit, c'est qu'il voulait vraiment casser l'univers petit enfant, petite fille, bonbon. Du clip original et donner quelque chose de plus poussif, de plus réflectif. C'est beau quand même quand tu parles. Il y a tellement de profondeur de choses. Toujours musique. On écoute le morceau suivant. Voyage. Ouais, on aurait dit. Ouais. De Disneyland. Putain. Bah attends. Oh, oh si. C'est dans quel film ça? C'est pas ce que tu me dis. C'est Magneto qui chante le groupe. Attention. Il y a que elle qui fait. Refrain. Une autre. Merci. Indigestion musicale. Ah putain, ouais. Putain, on la connaît tous celle-là. Ouais, non, pas moi. Maintenant que j'ai tout perdu, bah oui. Tu dis que tu veux faire ta vie sans moi, que c'est triste l'amour quand il nous quitte. Mais fleur, je ne t'en veux pas. J'ai seulement peur sauvage. De te laisser partir. Mais attends, et c'est m'a laissé une reprise de qui ça? Bah, c'est ce que vous êtes censé chercher. En putain, fait, c'est Cat Stevens. Stevens, et c'est Wild World. Wild World. Ah ouais? Je suis Islam. Oh baby baby. Ah yes, c'est trop bon ça. Wow, vas-y, mets-moi un petit Wild World pour moi, c'est bien. Wild World. La chanson originale? Ouais, s'il te plaît. Cat Stevens, Youssef Islam, comme on devrait l'appeler maintenant. Un grand, un très très grand. Ouais, grand gars. Écoutez, surtout ses premiers, ses débuts, son début de carrière est très très bien, est très très bon. Je me fais pas du mal. Du coup, vous avez pas combien de points? Alors, il y a deux asticots pour vous. Et pour les voisins du terrier, vous repartez avec un utérus refait à neuf. Je veux participer. Intéressant, merci. Tu t'es noyé là, si on a un peu d'idées. Et beaucoup d'imagination. C'est quoi les commentaires? C'est dégueulasse. Et puis vous en donnez. On écoute la musique, c'est l'heure détente, vraiment. L'empereur sonore, c'est vraiment une heure posée. Yes, c'est moi. Oh baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by, just to hold a smile. Si, tu chantes très bien. Oh baby, baby, it's a wild world. Yes, l'année anonyme. Je pense qu'on peut passer à la suivante. Ouais. Un peu de rythme. Quand même, on est un peu meilleur que vous. Les gangbang à 3, c'est toujours les meilleurs de toute façon. De toute façon, à partir du moment où c'est un gangbang. Ouais, non. Mais tu sais, les gangbang. J'ai entendu. Ah, c'est pas ça. En mi pueblo sin pretensión, tengo mala reputación. Hago lo que hago, es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño. System of a Down, no. Brassens, c'est Georges Brassens. Oui, mais non. Et si. Non. Si, la si, mauvaise réputation. Brassens. La mauvaise réputation, voilà. Et là, hein? Encore, merci à Juliette parce qu'on l'écoute tout le temps ensemble. Alors, la petite histoire, l'empereur, si tu peux baisser le son, s'il te plaît. Eh bien, en fait, c'est un groupe toulousain, je crois. Hein. Qui s'appelle Brassens is not dead. C'est un groupe punk qui va reprendre de manière punk les chansons de Brassens. Et je vous fais écouter ma préférée, une de mes préférées. La chasse aux papillons. Et tout en espagnol là. Putain, c'est des Toulousains. Non, ils reprennent pas en espagnol. Des Toulousains. Bah, Toulousains qui chantent en espagnol. Toulousains. Là, ils chantent en espagnol, mais pas dans tout. Ah d'accord, ah, oui, ok. D'accord. Mais c'est des braves gens quand même. Ah bah les braves gens. Mais l'espagnol pour un Toulousain, ça me perturbe. J'arrive pas à retrouver les paroles de la chanson. Du coup, je sais pas comment tu fais pour tout trouver comme ça d'ailleurs. Ouais. Moi non plus. De quoi? T'as un don. Ouais. Moi? Non. Oui. J'y connais rien en musique en plus. Ouais. Ni dev ni dadev. En fait, c'est comme dans ce thème de musique. Moi, je croyais rien y connaître à chaque fois. Pardon, désolé. L'empereur, si tu peux remettre le son, s'il te plaît. En plus, c'est ses excuses. La bamba. Non, mais ça, c'est juste ma préférée de Brassens is not dead. C'est trop rigolo d'écouter des chansons à texte, mais sur du métal ou du punk. Ouais. En ce temps-là, je vivais dans la lune, les bonheurs d'ici-bas. M'étais tout fait pendu, je semais des violettes et chantais pour des prunes, étendais la pâte au chat perdu. Ah ouais, c'est marrant, putain. Ah, je l'avais entendu. La gratte à ma peau, je m'empresse tout. Voilà, merci Kawan pour cette super découverte. C'est encore un groupe d'un album, hein, je crois, mais je suis même pratiquement sûr. Mais il y a vraiment des perles. Ne serait-ce que Je suis un voyou, qui... ou Mourir pour des idées. Mourir pour des idées, moi, elle me fait vibrer à chaque fois. Ah ouais. C'est vraiment la version. J'ai mon micro qui débande continuellement. Du coup, Brassens, c'est génial. Et avec ces versions-là, c'est encore plus top. Est-ce que Booba, ce ne serait pas le nouveau Brassens? Ah, tu sais pas, pense, cette ouais. émission. Moi je suis plus gradueur. Tu est-ce que je le mets maintenant? Ah ouais, s'il te plaît, il faut quelque chose de mirobolant. Bon, c'est mon best. Augmente le son d'empereur. Du Connemara. Ah non. Star Wars. Star Wars, putain. C'est pas John Williams. C'est René Joly. C'est pour une émission sur les extraterrestres. Je crois que c'est sur Antenne 2, mais je suis pas sûr. Mais qui a écrit les paroles? René Joly. Est-ce qu'il est décédé au moins? Non, non, il est vivant. Il faut qu'il décède. Non, non, on ne souhaite pas de personne. Oh là. Du coup, on dirait un générique du genre le Bioman. Ouais, un vieux dessin animé japonais de merde avec. Et encore, vous n'avez pas vu ce clip. Je vais vous le montrer à vous, ça n'est pas très radiophonique pour nos amis sur le net. La webcam. Posez un lien dans les commentaires. Sa voix, elle décolle. Ouais. Dans les aigus, ça part un peu dans les roues, là. Ah putain. Oh merde alors. Pardon, hein, je suis vraiment désolée. Tapez là-bas dans les étoiles sur YouTube, c'est le premier lien. Là-bas, que dans les étoiles. Ouais, ça un peu foiré. Hein. La plus belle incrustation du monde. Tu vois qu'ils avaient le fond vert, mais que pour la tête. Ouais, ouais. Victor, tu as aimé celui-là ? Oui, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Tous les 5 avec un canapé. Yes. C'est magnifique. Sauf Jacques, qui repart avec un canapé et une boîte de chaussons aux pommes. Cool. J'ai tout le temps la bouffe. J'avais envie de rebondir là-dessus, mais je ne l'ai pas trouvé. Sur un chausson aux pommes, c'est risqué. Ouais. C'est bien, elle est connue, celle-là. Je vais pas la connaître. Ah oui! Je te donne! Oui, voilà, c'est ça. C'est Jean-Jacques Goldman! Et c'est repris par. Jean-Jacques Goldman. Les Worlds Apart. Okay. C'est un boys band. Oh, j'adore! J'ai l'impression d'écouter les Beach Boys. Ça marche bien en plus. Oui. Est-ce qu'ils sont en gland sur, avec un pantalon pas de tête moche? Toutes mes différences. C'est vraiment les bas-fonds là. On tombe là dans les limbes. Moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est comment tu as fait tes recherches aussi. Ouais. Mais c'est son iPod. Alors, en fait, Raph n'est pas là pour en témoigner, mais j'ai une fascination morbide pour tout ce qui est reprise improbable. Généralement, je préfère écouter les reprises parce que c'est tellement, des fois, c'est tellement drôle. Genre Brassens Is Not Dead, je les écoute plus que les chansons de Brassens, alors que j'ai été éduqué à ça, j'ai été nourri à ça. Mais c'est parce que c'est trop bien, j'adore. Ou genre les reprises en français des chansons anglais, je vous en ai mis quelques-unes. Mais c'est hilarant, je vous en mettrai après si on a un peu de temps. C'est hilarant. Et du coup, j'ai une banque de données de musique chez moi et dans ma tête. Du coup, voilà. C'est comme ça que j'ai fait mon choix. Là, je vous ai mis un petit... C'est cool. Et là, je vous balance du lourd. Attention aux oreilles. Du lourd. J'aime vraiment le métal, hein, Kawan. Non, je déteste ça. Désolé. Hein. Ça a été l'épreuve de vitesse. Tire-lui pas bon sur le chihuahua. Putain. De Carlos. Tire-lui pas bon sur le chihuahua de Carlos. Bah là, je connais pas. Tire les papons sur le chihuahua. Tire les papons un coup en l'air, un coup en bas. Je connais pas du tout. Allez, Carlos. C'est Carlos. Il y a eu un dessin animé. Tu sais qu'il y a eu un dessin animé. Il y a eu un Carlos. Dessin animé, Carlos. Ça, c'est l'original. C'est encore mieux que la compagnie créole, ça. C'est bien sûr. L'été dernier, fatigué, je suis parti sur une chaloupe. Bronzé ma carte de crédit. À la super radiophonique. On n'entend pas ça, Renault de bas de gamme. Du Renault, ça. Je suis un petit peu Renault. Qu'est-ce qui t'a fait, banana? Tire les papons sur le chihuahua. Tire les papons, arrête la tête avec les bras. Tire les papons, à tout en l'air. Ça ne me dit absolument rien du tout. Oui. Oh, on enchaîne, mais on applaudit pour le rythme. Je dis vraiment pour le rythme. C'est vraiment une technique, ça. C'est vraiment. Non, c'est une blague de la nuit originale que j'ai piquée. Putain, tellement de nuit originale dans cette pièce d'anime. On n'arrive pas juste. Vous avez tous une étoile noire. Imagine there's no. John Lennon. Oui. Imagine. Ah, première bonne réponse de Jacques. Je pense qu'on peut tous applaudir. Ouais. Avec ce la plus simple en plus. Reprise par. Charles. Beethoven. Je s'en fous, c'est la même. Ouais, voilà. On se complète, tu vois. Les collectifs. Nous, on n'est pas trop accordés encore. Comme il faut. Il faut du temps. Je pense que Charles, faut qu'on s'organise, mec. Faut qu'on fasse quelque chose. Non, non, Red Charles a repris beaucoup de chansons des Beatles. Ah ouais? Ouais. Mais il est mort en quelle année, Red Charles? Parce que attends, parce que moi je pensais vraiment qu'il était moi, mort. Moi, Ed Sheeran est beaucoup plus bien vieux avant que les Beatles en fait. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait le mien. C'est où ça? Il est né en, il est mort en 2004. Ah ouais? Ah ouais, c'est... putain. Je voilà. sais pas, vieux des mais, ouais. mais qu'est-ce qu'on en apprend dans cette nuit anonyme? Vous trouvez pas? C'est Moi je trouve ça la culture c'est bluffant. Hein. Wow. Ce petit flow qu'il a. C'est Let It Be. Non mais c'est The encore Beatles. De Ray, Ray yes. Charles. Je vous fais écouter les flots qu'il a eu. Je crois que les reprises de Ray Charles de des chansons de Beatles c'est les meilleures reprises. Ouais, je pense. Chansons, sauf une qui est la reprise de With a Little Help from My Friend, From My Friend de Joe Cocker. Mm-hmm, ouais. Qui est c'est on s'en prend plein la gueule. J'adore les Beatles, t'idée. Et il y en a partout dans mon appart. Et bah, je préfère largement la version de Joe Cocker qui ouais. qui va dans les tripes. Je baille de surexcitation. Ouais. J'ai trouvé, putain, mais j'arrive Bidit. Pas à sortir le nom. C'est Bad de... C'est Bidit. Putain, connard. Une ép... ah. Un poulet frit pour... Michael Jackson. Oui. Ah, merci. Mais je crois que c'est la bonne réponse. Pour le rythme. Pour le rythme. Et pour les os du poulet. Ah merde, elle est connue, elle. Et bah, moi, j'ai précisé l'artiste pour ceux qui ne savaient pas. Tu penses à tout le monde, c'est bien. Red Charles a joué dans les Blues Brothers, il n'est sûrement pas mort avant la fin des Beatles. Merci Lucie. Elle est toujours en train d'écouter, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est qui reprend là du coup? Pamplemousse. C'est qui? Pamplemousse. Non, rien à voir. Et est-ce que t'as vu, enfin, est-ce que vous avez vu d'ailleurs le clip qui a été refait? Je sais plus comment il s'appelle ce mec. C'est un gars qui parodie énormément de clips, mais qui les refait à la perfection, tout en y incorporant du coup des passages humoristiques. Et il a fait Beat It à la perfection, sauf que c'est un grand blanc, genre avec une vieille moustache, tu vois, dégueulasse, le vieux beauf de basque, et il refait cette chanson. Il s'appelle comment excellent. Ce mec? Oh, je sais plus du tout, mais je sais que la chanson qu'il a reprise. Il a réécrit plus ou moins les paroles et au lieu de faire beat it, il a dit eat it. Tu vois, et en gros, à un moment, il parle ah oui, de poulet, des trucs ouais, comme ça. Il enfin, y a plein de bouffe. Ouais, c'est... Mais du coup, le clip est super ouais, bien refait, ouais. quoi. J'étais assez surprise. De nouveaux arrivants. C'est Michael Jackson. Soit des... tu peux en mettre une autre. Une bien ou une lol? Une lol bien. Une lol bien. Une bonne lol. Une lol bien. Comment ça va me casser les couilles? Manque de cohésion dans notre équipe. Ah! Happy Together! De. Putain, je me souviens jamais de qui c'est. Ah ouais! Le groupe. C'est les Turtles. Quoi? C'est les Turtles. C'est ça. C'est ça. Et c'est repris par les Leningrad Cowboys. Si l'empereur veut bien baisser un peu le son pour que je puisse parler par-dessus. Merci alors, l'empereur. Merci l'empereur. Alors, les Leningrad Cowboys, c'est un groupe. Que je dis pas de conneries. Polonais. Je dis polonais, je vais vérifier. Te faire frapper par des gens. Mais. De suite, j'ai pas envie de me faire frapper par les gens, effectivement. Ou ukrainien, je crois que c'est ukrainien. Non. De l'URSS, c'est ça, Pierre Ponce. On avait dit, on prenait pas parti. Ils ont des looks improbables. Et ils reprennent des chansons comme ça de la pop culture, des chansons surtout anglo-saxonnes. Et généralement, ils bossent avec les chœurs de l'armée rouge. Oh, trop bien. Groupe finlandais, voilà. Finlandais, désolé. Oui. Désolé. Et c'est hilarant. Voilà. Mais en même temps, c'est rigolo et c'est bien. Ouais. Alors, une leleu ou une sympa? Sympa. Ah ouais. Ah si si si, je la connais. Ah c'est dans aussi la plus non. Non, je l'ai. Je crois que on dirait Hotel California. Oui. C'est Hotel California. Oh, et comme j'ai géré des Eagles. Ouais. Reprise par je sais pas qui. Ah c'est non, c'est les Cat Empire. Ah oui. Oh, bravo. Ils sont trop cool. Franchement, il faut écouter toute leur musique. Ils ont sorti un album récemment. Il est vraiment bien. Et en concert, ils sont vraiment trop cool aussi. Comment t'as dit qu'ils s'appelaient? Les Cat Empire. Très bien, merci. Ils sont trop adorables et ils sont vraiment géniaux. Mes yeux se sont enfoncés. Il fallait m'arrêter pour la nuit. Encore une dédicace à Juliette parce que j'ai été les voir en concert. Je sais pas si vous avez remarqué, je fais du stand-up, c'est normal. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ils chantent en français. Ouais, on a remarqué. Ouais. Et c'est l'hôtel de la Californie. Bah oui, évidemment. Puis elle frappait du feu à bougie. Ah non. C'est très étrange. Dans le chat, il y a trois personnes qui sont au taquet pour toutes les réponses. On est très fiers de vous. Alors désolé, parce qu'on vous explique, on a un délai de 30 secondes avec vous. Du coup, vous apparaissez après. Mais je suis. Mais ça se voit que vous trouvez avant eux, vous êtes vraiment très doués. Donc je tiens à féliciter Lucie, Clémentine et Vincent. Bien joué, Vincent. Et gêné. Vincent, quel Vincent? Je l'ai. Je crois que ça se prononce comme ça. Putain, c'est Vincent, Vincent en montage. Il nous écoute. Oh, monteur 1, Bravo, spoiler. Oh, ça va. C'est quoi? Ah. Au début des années 80, c'est je me souviens ça. Des soirées où l'ambiance non, je suis con, putain. Grand trait, Stan Smith au pied, le regard. Ah, c'est qui ça déjà, putain? Ah non, je suis trop con. Il scrutait la salle, le trois quarts en cuir roulé autour du bras. Je suis un connard. Ray-Ban sur la tête, sur vêtements taquini. Pour les plus classes, bah, I am. Les mocassins, Nebuloni. Si, I am, je danse le Mia. Ah punaise, mais oui! Midnight, il est genre. Tout le monde se levait. Putain, ça sert trop en fait, absolument. Mais on n'entend rien parce que le sondier fait pas son boulot. Un peu partout, moi j'entends pas. Moi j'entends que c'est les autres. Moi je suis directement relié à la console. Ah ok. Alors en fait, c'est un. Lucie a trouvé. Sans blague. Remets la Shazam. Ultra perturbé. C'est Shazam, tout ça. C'est bon, c'est facile de trier. Alors c'est un artiste qui s'appelle DJ La Pompe. Qui reprend. Maintenant, je te laisse. L'empereur, il est fatigué, je pense. Mais il reprend des chansons comme ça à la Brassens. Ouais. Du coup, là, I am, je danse le Mia. Si vous voulez. Je reconnais même pas du tout qui ces deux chantent, entre Shuriken et Akhenaten. Aucune idée. Moi, j'ai jamais écouté. Alors. Oulala, là là, ça devient compliqué. Non, mais je suis vraiment trop con, j'ai rien compris en fait. Moi. Je pense que j'ai toujours pas compris le jeu. C'est bien, oui, moi aussi, à chaque fois, je cherche la personne qui chante. Et... Ouais. On s'en fout. C'est juste des noms et en fait. Reprise improbable. Oui, voilà, le j'ai même pas. Je viens de c'est comprendre. De rigoler. On est là pour découvrir, mais c'est bon. Qu'est-ce que c'est la nuit anonyme? C'est un mec qui prend un sifflard et ensuite il ramène le couteau et le pinard qui va avec. C'est et ça. Après, on s'amuse entre copains. C'est de la bonne entente en fait. Et entre copines. En fait, et entre copines, évidemment. S'il on est là, assis le cul sur le canapé. On parle de franche rigolade et de musique, c'est tout. De franche rigolade. Vas-y, une autre. Le ou bien. Je m'en fiche, je veux lever tout. Ce qui passe sous la pince. J'adore ce qui va suivre. Et Victor va kiffer. Yes. Ah merde. Attention. Rammstein. Non. Life is life. Life is life. Life. Life. C'est Rammstein, ça. Non. La chanson originale. Life. Life. Life. Queen. Soit jouer tout rock ou un truc comme ça. Ouais. Voilà. Ah, c'est vraiment trop bien le métal. Hein. C'est bien. C'est un groupe qui s'appelle Laibach. Je vais rechercher la nationalité. Ouais, c'est pas connu. Ils ont fait tout un album de reprise où ils reprennent des chansons des Beatles et genre des toujours trucs. Mais toujours, bah oui, c'est mon dénominateur commun. Et genre des chansons des Rolling Stones. Et c'est un groupe. Slovène. Ah merde. Et ils ont été controversés parce que pour un des albums, ils se montraient en costume nazi. Sympa. C'est pas des gens sympathiques, hein, c'est vraiment des connards. À partir du moment où tu te montres en nazi, c'est que t'es un connard. Je me suis déjà déguisé en nazi. Les gens qui veulent chanter en français. Si j'ai dit 3-4. Ah oui, d'accord. Non, Champs-Élysées, les Champs-Élysées aux Champs-Élysées. Charles Aznavour. Joe Dassin, ouais. Non, c'est Joe Dassin. Ouais, qui l'avait piqué à. Oh, Champs-Élysées. C'est le groupe NoFX. Ouais. Et Lucie avait trouvé Laibach, elle est en folie. Elle est en folie. Ah là, y en a qui devraient aller se coucher quand même. C'est quand qu'il arrive Tu peux m'expliquer, juste faire un petit topo, une petite pause. Petite pause. Petite pause, la juste petite m'expliquer, enfin me dire c'est quel est le programme du reste de la nuit là. Il y a encore quoi comme heure s'il te plaît? Quand est-ce qu'arrive leur cul s'il te plaît? On va faire un petit topo. Ah, je crois que leur sexoporne c'est l'heure juste après. C'est vrai. Ah. Mais moi je suis là moi. Mais bien sûr. Ah, ça te réveille, Victor. Ah bah, mais moi, j'ai plus motivé. On parle de sexoporn et mon micro débande encore. Yes. Ça le motive pas. Juste après, c'est l'heure sexoporn et juste après, le rapstime. Toi, tu vas jamais te reposer, Victor. Non, je pense pas, non. Et après le rapstime, ça sera le quiz cinépute avec Raphaël et moi. Je me rate après demain, je dormirai demain. Ouais, le cinépute. Ouais. Je veux être là. C'est un quiz de gros bâtards sur le cinéma. Yes. C'est bon, le topo est fait, on peut continuer. Oui, oui, oui, oui. Parce que je trouve qu'on est effacé. Parce que alors je rappelle que vous êtes deux à tous les deux. Tous les deux, vous êtes à 2 koalas et demi. On va bientôt vous apporter un pamplemousse et vous deux, désolé, le serveur est parti avec la carte. Camolox. I will survive. Oh, c'est Brigitte Fontaine. Hey, j'ai passé tant de nuits à me dire que t'avais tort. C'est Gloria Gaynor en fait. Oui. Voilà. Et puis je me suis habitué et tu reviens. Si sur toi. Je propose qu'on attende pour voir si Lucie a trouvé. Ouais, je propose aussi. On lui laisse 30 secondes. Non, on lui laisse. On lui laisse jusqu'au refrain. On voit ce qu'on casse tout et qu'on danse. Je cherche pas à tout prix à te justifier. crois que Lucie ne répondra pas. Tu n'as pas trouvé. On te surprend. Comme je suis déçu. Peut-être qu'on l'aura fait, peut-être que c'est le temps de latence qui fait. Je suis déçu malgré tout. Je vais donner la réponse. S'il arrive bientôt. Non. C'était Régine. Bardot ? Régine. Non, Régine. Juste Régine. Régine Bardot. Régine. Vous connaissez pas Régine ? Non. C'était la maîtresse des Nuits de Paris. C'est celle qui a chanté « Laissez tomber les petits papiers, papiers de Rio dormi, qu'un soir ils puissent papier Maris vous réchauffer. » Elle bloquait tout. C'est elle qui contrôlait les Nuits Parisiennes, c'est elle qui détenait les clubs et tout. Elle repart en tournée cette année, c'est n'importe quoi, c'est une vieille folle. C'est... Attends, mais laisse-la s'amuser, elle est vieille. Elle n'est pas hyper connue aussi pour ses coiffures ou un truc comme ça. Bah, elle a les cheveux orange. Ouais, si, c'est bon, ça y est, je vois qui c'est. Être connue pour sa coiffure, c'est quand même pas mal. Non, mais elle est très particulière. Particulière comme ça. Il y a eu un débat sur le sujet tout à l'heure. Ah si. Je crois. On est quand même des chansons avec des bonnes intros. Mais c'est les Beatles, voilà. Avec. Come Together. Oui. Ah oui. Reprise par Soundgarden. J'étais pas sûr au début. Le Love Story dans les années 2000 qui met Stevie Boulet en arrière. Stevie Boulet. Et ça fait au moins. Qui fait maintenant partie des grosses têtes. Je sais pas qui c'est, mais je me rappelle juste de cette image. C'est la seule image de tout le Love Story que j'ai vu dans ma vie. Et ça fait au moins 4 fois cette semaine que je reparle. Donc c'est un peu. C'est ta passion en fait. Ah, par contre, Clémentine avait trouvé Come Together. Mais je la connais bien. Et... Enfin, je la connais bien, non. Je sais qui c'est, quoi. Je sais qui c'est. Je sais qu'elle partage, elle partage mon amour. Hey, il y a en a encore un. Rapide, Vincent. On a deux montages. Viens d'avoir un commentaire. Ouais, il y a Vincent et. Oui, il met Lucine. Ah de merde! Non! De... Trop tard. Bon, ça, on connaît d'où vient ce clip. Hein? Ah. Ah ouais, d'accord. Okay. C'est Abba, oui. Attends, Ah merde, les gars, il faut trouver là. C'est Jean-Louis Aubert. Est-ce que c'est le vrai Patrick Bertrand? Bah non, c'est toujours son, c'est son producteur. À chaque fois, c'est le producteur de Patrick Bertrand qui chantait. Bah moi, la première fois que j'ai entendu Patrick Bertrand, pareil. C'est quand même dans émission culturelle, apprentissage continu. Ah non. Victor, tu as fait. C'est une meuf qui chante. du tout qui c'est. Madonna. Au hasard, random total. Donna Summer. Il y avait Donna. C'est à ce moment-là qu'on sait qu'on est fatigué quand même. Hein. Ouais. Est-ce qu'on finit par un truc drôle? Yes. Là, j'ai réussi. Est-ce, ouais. Non, c'est pas le dernier, mais est-ce qu'on vous voulez finir avec un truc drôle ou alors avec un truc bien? Un truc drôle. Mais les deux, À toi de choisir, à toi de choisir. Ouais, c'est toi qui... Mais les deux. Drôle pour terminer, d'accord. Alors, un truc bien, ça, c'est spécial dans mon cœur. Ça va être les Beatles. Ouais. Non, non, non, même pas. Muitas vezes o coração não consegue compreender o que a mente não faz questão. Tem forças para obedecer. Attends, si, c'est David Bowie. Non, oui. Elephant Mars. E deixei escapar das mãos. Mais en russe? Non, en portugais. Du Brésil. Portugais. Portugais du Brésil. Não pretendo viver. C'est Seu Jorge. Meu amor, não estamos. Et en fait, c'est la bande originale de La vie aquatique de Wes Anderson. Genre, il fait plein de remix. Et en fait, la bande originale du film est jouée par Seu Jorge, qui reprend les musiques de David Bowie en brésilien. Avec le style MPB, c'est la Música Popular do Brasil. C'est la musique populaire brésilienne. Donc, ce truc à la guitare très, très soft, où on pince bien les cordes, chaque corde se fait entendre. Ce truc, c'est typiquement brésilien. C'est parti de la culture populaire et du coup voilà, donc c'est Seu Jorge qui vient chercher tout ça et c'est très beau parce que c'est ma chanson préférée de David Bowie et je trouve que la version de Seu Jorge est cool celle-ci. Et il y a aussi dans la saison 4 de American Horror Story, donc c'est Freaks Show, je sais pas si c'est le premier épisode ou le deuxième épisode de la saison où il y a une reprise de ce titre-là qui est époustouflante aussi parce qu'elle parle de beaucoup de choses et c'est super intéressant. Moi, je vois pas en quoi c'est une reprise improbable. Je trouve que c'est une belle reprise. Bah, elle est improbable puisque c'est un artiste de musique populaire brésilienne qui va reprendre pour un film sur des sous-marins. Mais voilà, ouais, bon, j'ai dit improbable d'accord. Parce qu'il y en a quelques-unes qui étaient improbables, okay, ouais. Mais c'est aussi pour faire écouter de la bonne musique. Merci, Thomas. Non prétendo viver en vain. Et le dernier. Ah, c'est une heure qui est passée drôlement. Ouais. Ah. Ouais, ils ont trouvé dans le chat. Ouais. Ceux qui savent, parce que voilà, gardez un peu pour vous. Je crois voir. No woman, no cry. C'est bon. Reprise par. On a déjà écouté une de ses musiques. Mais là, c'est pas lui qui reprenait. C'était une de musique à lui qui était reprise. Enfin, une musique qu'il avait piqué déjà. Classic Bertrand. Non. Il l'a piqué aussi en fait. Tout est noir, le ciel est noir. C'est machin truc à venir là. Non, je cherche le truc original, la musique qu'il a piqué. Mais... Trois mois. C'est déjà ça. Ah oui. Ah, Clémentine avait trouvé Joe Dassin. Ouais. Meilleur pour la fin, c'était très bien. Et je vous annonce donc que c'est la fin de mon quiz. Ah, je vais me prendre un bon petit café, je pense. Oui, la même.